blessure qui dégouline. J'ai mis à introduire ma fine. Et me t'achète dans une lente. Quand je la vois, je fonds. J'aime son écœurante odeur, et rouge, et sa couleur. Le choix dans la date. Présente-moi ton arrière-train pour que j'ai pour tout mon argent. Dans une glace, à l'envers, de côté, de face. Dis-moi, les menstruations. Je te dirai la date de tes menstruations. Dans ton cul.